sûr. La fonction électrophysiologique. Et si la fonction électrophysiologique est suspendue, qu'est-ce qui se passe? À quoi sert la fonction électrique? Le rythme du corps. L'activation cardiaque va soutenir la fonction mécanique, hémodynamique. Donc il faut qu'il y ait une fonction électrique, qu'il y ait une dépolarisation, un renforcement et donc une fonction hémodynamique, mécanique. Si la fonction électrique est compromise. Intéressant. Donc ça, c'est dans le cas où il n'y a aucune fonction électrophysiologique, la systolique totale. Quelles sont les propriétés du tissu cardionecteur? D'où vient cette dépolarisation? Où est-ce qu'il y a une dépolarisation? L'automatisme du nœud sinusal. Et le reste? De haut en bas, des voies de conduction. Cet automatisme ne concerne que le nœud de quelques flaques? Non. Toutes les voies de conduction, de haut en bas, ont une propriété d'automatisme. Et quelle est la différence entre l'automatisme du nœud sinusal et l'automatisme du réseau de Purkinje, par exemple, d'une branche? La fréquence de quoi? Le nombre de fois où cet automatisme atteint le potentiel seuil par minute. Donc c'est pour ça qu'on dit que le chef d'orchestre de la cadence cardiaque, c'est le nœud sinusal. Pacemaker. Plus vous descendez dans les voies de conduction, et plus cet automatisme est lent. Ça veut dire parce que la pente de dépolarisation spontanée est beaucoup plus basse en bas. Celle du nœud sinusal est très aiguë, donc le nœud sinusal, les cellules du nœud sinusal atteignent très vite le potentiel seuil, donc se dépolarisent plusieurs fois par minute, 60 à 100 fois par minute. Si on descend au niveau du nœud d'Achortavara ou du tronc du faisceau de Higgs ou des branches droite et gauche, cette forme de dépolarisation est plus basse, donc elle met plus de temps à atteindre le potentiel seuil, donc moins de fois par minute. Il faut plus de temps, donc le nombre de dépolarisations par minute va être réduit. Donc le nœud d'Achortavara ou les voies de conduction plus basses se dépolarisent à moins de 60 par minute. Donc si la conduction est bloquée quelque part, qu'est-ce qui se passe? L'arythmie. Est-ce qu'on parle de foyer? Non, justement, c'est pas un foyer, c'est un foyer d'échappement. Pourquoi l'automatisme des voies en bas, des voies de conduction en bas ne s'exprime pas en fait? On ne le voit pas. Ce qu'on voit sur un tracé ECG, c'est l'automatisme, c'est la cadence liée à l'automatisme d'une sinusale. Pourquoi celle des voies de conduction plus bas, on ne la voit pas? Parce qu'elle n'a pas le temps d'atteindre le potentiel seuil. Le temps que sa forme de dépolarisation arrive, ça y est. Elles sont dépolarisées par l'influx qui vient du nœud sinusal. Si on arrête, on éteint ce nœud sinusal, là, les voies de conduction immédiatement bas vont pouvoir exprimer leur automatisme spontané. C'est ce qu'on appelle le foyer d'échappement. D'accord? Donc elles vont échapper à la dépolarisation qui est censée venir du nœud sinusal et pouvoir exprimer pleinement leur automatisme et se dépolariser tranquillement avant d'être dépolarisé par l'influx qui vient d'en haut. C'est clair? Donc quand on bloque en haut, immédiatement les premières cellules viables qui sont douées d'automatisme vont pouvoir se réveiller et prendre en relais le relais de la commande de l'automatisme cardiaque et donc de la contraction, etc. La seule différence, c'est que la fréquence de cet automatisme sera plus basse. Donc les foyers d'échappement ont une cadence plus basse. C'est clair? Qu'est-ce qu'on a? Le foyer d'échappement, quand on dit échappement, ça veut dire qu'il échappe à quelque chose. Il échappe à quoi? Il échappe à la dépolarisation du nœud sinusal qui ne lui parvient pas, parce que c'est bloqué au-dessus de lui. Donc, il va utiliser son propre automatisme pour continuer à alimenter le reste des cellules cardiaques et le reste des ventricules. C'est clair? C'est ça le foyer d'échappement. Et plus c'est bas, plus il est bas. On va détailler dans le... Donc, les blocs auriculo-ventriculaires, qu'est-ce que c'est? Un rappel sur l'activation cardiaque, vous avez donc le nœud de Keitel-Flack, les deux oreillettes avec le faisceau de Bachmann qui transmet la dépolarisation aux deux oreillettes, le nœud d'Achortavara, donc ici là aussi, le tronc du faisceau de His et les deux branches, la branche gauche qui se divise rapidement en deux et la branche droite. Ensuite, ça sera la toile d'araignée, le réseau de Purkinje. Donc l'automatisme se fait comme ça, ça descend et ça diffuse simultanément dans les deux branches droite et gauche. Donc les deux ventricules, droit et gauche, sont dépolarisés en même temps et se contractent en même temps. Donc la durée du QRS ici, vu que l'influx descend le long du tronc du faisceau de His, et parcourent immédiatement les deux branches en même temps. Donc la durée du QRS, ça sera quoi? Le QRS, c'est la dépolarisation ventriculaire. Donc c'est le temps que met l'influx électrique pour envahir, pour inonder les deux ventricules. C'est ça la durée du QRS. C'est clair? On détaillera le reste plus loin. La dépolarisation d'une sinusale, ensuite l'activation des oreillettes, et donc l'influx n'a pas d'autre choix que de converger vers le nœud d'Achoff-Tabara. Il est obligé d'aller vers là. Il est conduit vers le nœud d'Achoff-Tabara. Il ne peut pas traverser les anneaux auriculo-ventriculaires. Donc le nœud d'Achoff-Tabara, à son tour, est dépolarisé. Descente de l'influx le long du tronc d'une sinusite et deux branches et diffusion dans le réseau de Purkinje. C'est bon? Alors, si on bloque ici l'influx, comme je vous l'ai dit, le nœud de Kettéflax, il est sain, il continue à se dépolariser comme si de rien n'était. Mais là, il y a une rupture, une coupure des voies de conduction. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on aura ici un foyer d'échappement qui va exprimer son automatisme. D'accord? Donc, c'est la première zone saine qui va se réveiller et continuer à transmettre la dépolarisation vers les ventricules. Parce que le but de la fonction électrique, c'est d'obtenir, d'aboutir à une contraction des ventricules pour que la fonction hémodynamique existe. C'est clair? Donc, il continue à descendre par le foyer d'échappement et à diffuser vers les deux ventricules simultanément. Ça, c'est le foyer d'échappement qui va naître avant la bifurcation des deux branches. Donc, la durée du QRS ici sera comment? Pourquoi? Puisque le foyer d'échappement est né avant la bifurcation. Donc, il continue son cheminement de façon tout à fait normale. Il va envahir, l'influx va envahir les deux ventricules simultanément. Donc, l'influx va mettre le même temps pour envahir le ventricule et le QRS sera sain, il sera de durée normale. Si vous avez un foyer d'échappement qui naît au-delà de la bifurcation, à ce moment-là, c'est autre chose. Alors maintenant, si on a un foyer d'échappement qui naît ici, supposez que ce foyer d'échappement-là n'existe pas, que là, les voies de conduction sont toujours malades, on descend le sens interdit ici, et que ce foyer d'échappement va naître sur la branche droite. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la dépolarisation des ventricules? Elle va se faire de proche en proche. La dépolarisation des ventricules, c'est l'envahissement par l'influx du réseau de Purkinje qui fait que la dépolarisation va se transmettre d'une fibre à l'autre, de proche en proche, parce qu'il y a des zones de contact entre les deux qui permettent la transmission de l'influx. Donc, si la zone, le foyer d'échappement est là, donc c'est ce ventricule-là qui va être dépolarisé en premier. Ensuite, l'influx va diffuser de proche en proche jusqu'à atteindre le ventricule contralatéral. Et alors, la durée du QRS ici va être plus longue. L'influx va mettre plus de temps à envahir les deux ventricules. Donc, vous aurez un QRS large. Donc, plus on descend dans le foyer d'échappement, plus la durée est large et longue, et plus le QRS est large. Et plus la fréquence est basse. Vous avez compris cette notion de foyer d'échappement et de rythme, ce qu'on appelle le rythme idioventriculaire. Il est très loin, très bas dans les ventricules. Il ne naît pas sur les voies de conduction normales. C'est bon? Comme ça, on comprend la suite du coup. C'est clair pour ce que quelqu'un n'a pas compris. Maintenant, si le foyer d'échappement A est là, le QRS sera fin. S'il est au-delà de cette bifurcation, il sera élargi. Parce qu'il y a un ventricule qui va se dépolariser avant l'autre. C'est clair? Tout à fait. Là aussi, donc c'est un autre foyer d'échappement encore plus loin dans les voies de conduction. C'est vraiment là le foyer idioventriculaire. Ça va donner des QRS très larges et à fréquence très lente. Qu'est-ce qui va se passer pour les oreillettes? Les oreillettes continuent à être sous la commande d'une sinusale. Elles ne savent absolument pas que l'influx est bloqué en dessous. Donc la cadence auriculaire sera celle d'une sinusale. La cadence ventriculaire sera celle du foyer d'échappement. On aura deux commandes. La vascularisation des voies de conduction, parce qu'il y a des pathologies coronaires qui se compliquent de BAV, donc il faut connaître la systématisation. Donc vous avez la coronaire gauche ici, interventriculaire antérieure, la coronaire droite, et si on regarde bien le schéma, c'est la coronaire gauche, donc l'IVA qui donne des rameaux qui vascularisent ces voies de conduction. La coronaire droite, les rameaux s'arrêtent un petit peu avant, sauf un petit peu au niveau du nœud arrêt. Et on va voir les conséquences. Donc si on a occlusion du coronaire gauche, la conséquence c'est quoi? Quand il y a occlusion d'un réseau coronaire, quelle est la conséquence sur le cœur? La nécrose. On aura une nécrose du tissu qui dé- fibrose ne va pas concerner que le myocarde, elle peut aussi concerner les voies de conduction. Et si les voies de conduction sont nécrosées, elles ne donnent plus de transmission d'influx, on risque d'avoir un BAV. C'est clair ? BAV par nécrose des voies de conduction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un BAV ? Donc, on parle de bloc orculo-ventriculaire chaque fois que la transmission de l'influx nerveux est perturbée entre les oreilles et les ventricules. Et cette perturbation peut être permanente, c'est ce qu'on appelle les blocs chroniques permanents, mais elle peut être paroxystique, c'est ce qu'on appelle les blocs paroxystiques ou intermittents. Donc, ça se passe entre oreillettes et ventricules, entre étage auriculaire et étage ventriculaire. Ça se passe entre les deux oreillettes ou entre les deux ventricules. Ça, c'est une autre pathologie des voies de conduction. Donc, BAV, perturbation intermittente ou permanente dans la transition de l'influx. Donc, le siège, vu que c'est l'étage entre oreillettes et ventricules, ça peut concerner le nœud, la chance d'avoir des parois de bloc nodal, ce sont les moins graves. Ça peut être le tronc, bloc tronculaire, ou alors quand les deux branches, droite et gauche, sont concernées. Et là, vous ne pouvez pas faire la différence avec un bloc tronculaire. Alors, s'agissant d'une pathologie de la fonction électrique, donc c'est l'électrocardiogramme qui va vous permettre de poser le diagnostic. L'exploration se fait par ceux qui explorent la fonction électrophysiologique, c'est le CG, ou plus sophistiqué que le CG. Les signes cliniques ne feront que vous orienter. Il y aura une symptomatologie clinique, parfois il n'y en aura pas, mais quand elle existe, elle ne permet que d'orienter le diagnostic. Même si vous êtes parfaitement sûr, il vous faut un document ECG pour confirmer et décider de votre conduite thérapeutique. Alors, comme il existe, on a vu des BAV paroxystiques qui viennent comme ça dans le temps, plus ou moins fréquemment dans le mois ou l'année, ça dépend. Le bloc intermittent va être le diagnostic d'ici. Si le malade arrive avec des symptômes, au moment où vous le voyez, il n'y a plus de bloc parce qu'il était paroxystique, vous n'allez pas éliminer le diagnostic. Puisque vous savez que ce bloc peut évoluer de façon intermittente. C'est pour ça que je vous dis que les symptômes cliniques orientent, il faut les prendre au sérieux et tout mettre en œuvre pour avoir ce document ECG qui nous permet de trancher et de décider. Donc, les blocs paroxystiques, si jamais on n'a pas eu la chance d'avoir un ECG percutant, qu'est-ce qu'on va faire ? Si ces malaises se répètent souvent dans la semaine, on va prolonger l'enregistrement ECG, c'est ce qu'on appelle le holter cardiaque, l'enregistrement sur 24, 48, 72 heures, voire plus long, avec ces holters miniaturisés qu'on pose en paroi sous-cutanée. Donc on prolonge et on pose le diagnostic par holter cardiaque. Les étiologies, il y en a beaucoup. Il est bon de les connaître dans les détails. Pourquoi ? Parce qu'il y a des étiologies qui vont vous donner des BAV définitifs. Et là, votre décision, ça sera un pacemaker définitif. Il y a des causes qui donnent des BAV transitoires, qui vont disparaître, qui vont guérir avec la guérison de la maladie, et qui ne demandent pas de pacemaker définitif. Le pacemaker, c'est une thérapeutique assez lourde, donc il faut être sûr avant de la prescrire chez le malade. Donc vos étiologies vont vous orienter aussi pour vos décisions ultérieures. C'est clair ? Le pronostic. Alors il change, ça dépend aussi du caractère réversible ou non du BAV. Mais pendant que le BAV existe, qu'il soit, disons, réversible, guérissable ou non, la période où ce BAV existe, le malade est exposé au risque de mort subite, c'est-à-dire on risque une asystolie totale. Si les voies de conduction sont très malades, d'en haut jusqu'en bas, et que le foyer d'échappement est trop loin, trop lent pour assurer une survie normale, le patient risque de décéder, quelle que soit l'évolutivité de ce BAV. Donc tant qu'il est là, le risque est là. Donc on devra agir et on va voir ce qu'on fait quand le BAV est définitif ou transitoire. Mais sachez que le risque de mort subite est toujours présent chez le patient qui consulte pour un BAV. Alors le traitement, on l'a vu, ça dépend de l'étiologie et des symptômes. Ça dépend. Alors quand le BAV existe et qu'il est mal toléré, on a des méthodes thérapeutiques. Quand il est définitif, on a notre méthode, c'est le pacemaker. Parfois on ne fait rien, par exemple. Connaissez au moins un cas de BAV bénin qui n'évolue pas. Vous en connaissez au moins un depuis le début des cours. Allez. Où est-ce qu'on vous a parlé de BAV ? Digitalique. Le rhumatisme articulaire aigu donne un BAV, un petit BAV du premier degré, mais qui ne va pas évoluer. Généralement, il régresse. Pour nous, c'est un signe de myocardite associée, mais ça ne demande pas de traitement particulier. Là, c'est l'abstention pour le BAV. Le malade aura sa corticothérapie, mais pour le BAV du premier degré, on ne fera rien. Vous voyez que le traitement peut aller de l'abstention totale jusqu'au stimulateur cardiaque définitif, c'est-à-dire le pacemaker. Et entre ces deux extrêmes, entre ces deux décisions extrêmes, on a des moyens thérapeutiques transitoires, le temps de voir les les choses, comment elles évoluent. C'est bon pour le survol du coup. On a une idée globale. Allez, maintenant, comment diagnostiquer un bébé, on a vu, c'est l'électrocardiogramme. On a 3 degrés de BAP, du moins grave au plus grave. Le premier degré, le deuxième degré qui a 2 sous-degrés, et le troisième degré qui est le BAP. Dans le premier degré, on a un ralentissement dans la transmission de l'influx, des oreillettes de ventricule. L'influx passe à chaque fois, mais il est freiné. Il passe difficilement, mais il passe. Toutes les ondes P seront suivies de QRS. Toutes les dépolarisations auriculaires sont transmises au ventricule. Donc vous aurez votre couplage P, PR, QRST à chaque fois sur l'ECG. Si vous faites un tracé ECG de 5 mètres, vous aurez toujours P, QRST, P, QRST, P, QRST. C'est-à-dire la dépolarisation des oreillettes est transmise à chaque fois au ventricule. Donc la seule anomalie sur l'ECG, qu'est-ce qui exprime le passage? C'est le PR qui va expliquer le temps que met l'influx pour passer des oreillettes au ventricule. On a vu que le nœud d'Achaud-Tabarat avait déjà, à l'état physiologique, un rôle de filtre. Il bloque un petit peu l'influx. Pourquoi? Pour attendre que les oreillettes se vident, qu'elles se relâchent, que les valves se ferment pour que l'influx et à ce moment-là, les ventricules se contractent. Il ne faut pas qu'oreillettes et ventricules se contractent en même temps. Ça serait l'anarchie dans le système hémodynamique, c'est clair? Donc cet intervalle PR, c'est là son rôle. C'est d'attendre pour que les ventricules se contractent sur des oreillettes vides et à valve fermée. Donc ce PR qui, à l'état physiologique, ne dépasse pas 0,20, va être allongé. Il va durer un peu plus longtemps que la normale. Ça peut aller jusqu'à 0,40, 0,60, etc. Mais à chaque fois, ça passe, il n'y a jamais de blocage. Le blocage s'exprimerait par quoi sur l'ECG? On aura un autre fait, donc une dépolarisation des oreillettes qui ne sera pas suivie d'une dépolarisation des ventricules. Donc il va manquer un QRS quelque part. Dans le PR du premier degré, ça n'est jamais le cas. Si un QRS manque, vous sautez au degré supérieur. C'est clair? Donc dans le premier degré, la seule anomalie, c'est un ralentissement. Donc un allongement de cet intervalle PR, et vous voyez que le nombre d'ondes P est égal au nombre de QRS. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'arrêt, de blocage. Et vous aurez un intervalle PR qui dépasse 0,20 secondes. Et en plus, alors, autre chose à relever, c'est que tous les intervalles PR sont égaux. Mais c'est quel choix être 0,30, entre 0,40, entre 0,25. Si le premier fait 0,40, ils font tous 0,40. Il n'y a pas de variabilité de l'intervalle PR. C'est bon? Ça, c'est le BAP du premier degré simple. Il est très simple. Il suffit juste de prolonger l'enregistrement pour en être sûr. C'est clair? Donc, c'est le cas général de rhumatisme articulaire aigu. Vous pouvez voir ça chez un jeune à très vite pour la fin. On passe au deuxième degré. Alors dans le deuxième degré, c'est pas un ralentissement, on aura de temps en temps un blocage. C'est ce qu'on appelle le blocage intermittent. Parfois ça passe, parfois ça bloque. Donc parfois ça va s'exprimer sur le CG. C'est que de temps en temps, cette onde P, cette dépolarisation auriculaire ne va pas être suivie, transmise, elle ne sera pas transmise au ventricule. Donc il manquera un QRS à l'onde P qui le précédait. Donc quand vous faites votre compte sur un BAB, sur le CG d'un BAB du deuxième degré, vous aurez plus d'onde P que de QRS. Donc ça bloque parfois et puis ça reprend P, QRS, P, QRS. Alors selon cette variabilité, selon le caractère cyclique de ce blocage, vous allez reconnaître deux types de deuxième degré. Le Bobix 1, c'est ce qu'on appelle la période de Luciani Oliveira. Ce terme de période évoque un mouvement périodique qui se répète, qui se répète, qui se répète. Ça, on parle de période de Luciani, c'est le médecin qui a décrit ce phénomène-là. Qu'est-ce qui se passe dans le Lobitz 1, ou période de Luciani ou Guevara? On aura un premier PR qui est de durée X, un deuxième PR qui est un peu plus long, et hop, une onde P qui n'est pas suivie de QRS, qui est bloquée. Ça peut être le troisième, ça peut être la quatrième, ça dépend. Ça peut être un troisième PR un peu plus long et blocage. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est un allongement progressif de l'intervalle PR jusqu'au blocage de l'onde P, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de PR, il n'y a pas de R qui arrive. C'est bon? Donc vous aurez allongement, allongement plus, allongement encore plus et blocage. Et ça reprend, on revient à la case départ. Ça revient au PR1. La l'onde P suivante va être suivie de QRS. Ce PR sera égal à celui-là. Le deuxième qui s'est allongé sera le même que celui-là qui s'est allongé, et ça recommence. Donc une onde P ici, qui ne voit pas arriver son QRS. Et le cycle reprend et ça continue. Vous pouvez prolonger le CG 2 heures, ça sera la même chose. C'est ce qu'on appelle la période de lucénémie. Allongement progressif de l'intervalle PR jusqu'au blocage. Donc le blocage peut survenir au troisième cycle, au quatrième cycle, ça dépend. Ici, c'est la troisième entrée qui est bloquée. Ce sont des ECG de malade. Et ce morceau-là, depuis le premier P conduit jusqu'à la reprise de P conduit, c'est ça cette P, c'est ça la période. Elle inclut la première et la suivante qui est conduite. C'est bon ? Vous avez compris le mot bis 1 ? Parfaitement. Le Mobix 2. Le Mobix 2, le blocage va se faire de façon inattendue. Parce que dans le Mobix 1, quand vous voyez l'allongement progressif, vous vous attendez au blocage. Même si le CG est coupé, déchiré, vous vous dites si j'allais prolonger, il y aura un blocage bientôt. Le suivant ou le prochain, bon, d'accord. Par contre, dans le Mobix 2, il n'y a rien qui annonce ce blocage. C'est ce qu'on appelle le blocage inopiné, ça veut dire inattendu. Donc le PR reste fixe, fixe, fixe, jusqu'au blocage. Et ce PR-là, qui est fixe, peut être long, peut être normal. En général, il est un petit peu allongé, parce que le Mobix 2 est un degré plus grave que le Mobix 1. Le Mobix 1 est assez bénin comme BAV. Il est en général bien toléré, on peut vivre avec le Mobix 1. Par contre, le Mobix 2, c'est des maladies, des voies de conduction qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus lourdes. Donc, dans le Mobix 2, on a un blocage inattendu de P avec un PR qui reste fixe, quelle que soit sa durée, ça veut dire qu'il peut être long ou court, mais il reste fixe. Pas comme dans le premier, dans le Mobix 1, où il s'allonge progressivement. Et ce blocage peut se faire, la répétitivité du blocage est variable. Ça peut être tous les deux cycles, ça peut être tous les trois. Ça peut être deux ondes P successivement bloquées et la troisième conduite. Donc c'est très variable selon la gravité, le degré d'atteinte des voies de conduction. Ici, j'ai pris un exemple d'un blocage une fois sur deux. C'est ce qu'on appelle le BAV 2 pour 1. Si c'est toutes les trois fois, c'est 3 pour 1. Donc c'est vraiment une répétition rythmique, arithmétique qui se répète comme ça. Donc vous avez une entrée conduite, une entrée bloquée, une entrée conduite, une entrée bloquée. Donc c'est un blocage intermittent. Voilà. Et l'intervalle PR reste fixe. Tous les intervalles PR sont égaux. PR1 égale PR2 égale PR3. Vous avez saisi la différence entre le Mobix 1 et le Mobix 2. Vous voyez que parfois on a des complexes QRS qui sont conduits. Alors, un autre exemple de Mobix 2, vous avez ici, alors 1, 2, 3, c'est la quatrième qui est bloquée et ça reprend. Et l'intervalle PR ici est un petit peu long. Hein. Si vous mesurez, il y a deux petits carreaux en plus. Donc il fait 0,28 ici le PR. Donc le PR est long, mais fixe, tous les PR sont égaux. Et là, le blocage se fait 1, 2, 3, le quatrième, c'est un quatrième. Le troisième degré, alors là, le troisième, c'est le blocage permanent, définitif, permanent de la conduction. Donc rien n'est transmis des oreillettes au ventricule. Toutes les dépolarisations des oreillettes meurent à un endroit donné entre l'étage auriculaire et ventriculaire et ne sont pas transmises au ventricule. Donc, les ventricules vont être pris en charge par quoi ? Par le foyer, par un foyer d'échappement qui va voir émerger, voir se réveiller son automatisme spontané. Et plus il est bas, ce foyer d'échappement, on a dit, plus il est lent et plus le QRS est large. Alors ici, vous avez un ECG où toutes les ondes P sont bloquées. Donc vous voyez qu'ici, vous n'arrivez pas à faire de couplage PQRST. Le QR est complètement affolé. Vous avez une onde P là, une ici, une là qui déforme le pied de P, une là, une autre là, une ici. Ici, une autre ici. Donc vous voyez que c'est l'anarchie entre les QRS et les ondes P, c'est l'anarchie totale. Donc on parle ici de dissociation auriculo-ventriculaire. Ça veut dire que les deux fonctions électriques, celle de l'étage auriculaire et celle de l'étage ventriculaire, n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Elles sont complètement dissociées. Parce que l'une est sous la commande d'une des plaques et l'autre, celle des ventricules, est sous la commande d'un foyer d'échappement. Et les deux ne communiquent absolument pas. C'est comme si vous enregistriez deux fonctions électriques parallèles sur un même papier. C'est comme si on avait enregistré les oreillettes Wahedo sur un papier transparent et les ventricules Wahedo et qu'on avait mis ça comme ça. Vous voyez qu'il n'y a aucun couplage possible à mettre entre P et QRST. Le terme de PR Aslan n'existe pas. C'est clair ? Là, vous ne pouvez pas parler d'intervalle PR, puisqu'il n'y a pas de PR, il n'y a pas de passage auriculo-ventriculaire. appelle à dissociation correctement. Toutes les autres clés sont bloquées. Ça veut dire que l'information auriculaire n'est pas transmise au ventricule. Les oreillettes étant sous la commande d'une sinusale seront à la fréquence d'une sinusale, c'est-à-dire une fréquence normale si le malade est en rythme sinusal. Donc vous voyez que les ondes B sont rapides, à peu près 60. Et les ventricules sont beaucoup plus lents, sous la commande du foyer d'échappement. Alors les oreillettes, l'intervalle PP est fixe, parce que la fréquence sinusale, le rythme sinusal est régulier, donc les oreillettes sont régulières, et les ventricules aussi sont lents mais réguliers. Le foyer d'échappement est régulier. Il n'y a pas d'arythmie. C'est clair. Donc l'intervalle PP et RR reste fixe aussi. C'est bon pour le PA du 3e degré ? Vous avez compris tout ce que je viens de dire ou je ne ferai pas clair ? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose ? Parce qu'on va passer à la clinique maintenant. Donc le diagnostic ECG-DBAV, on va le dire en simple. Maintenant que vous avez fait le cours, vous allez regarder les dossiers et les ECG du malade. Qu'est-ce que vous avez fait? Et donc, c'est QRS qui exprime la déploration ventriculaire, donc la contraction, donc le pouls, donc la fréquence cardiaque, seront diminués. En QRS, donc, le pouls sera long dans la minute. Donc le BAV du deuxième degré sera symptomatique si les blocages se répètent souvent dans la minute. Donc en finalité, c'est la fréquence cardiaque dans la minute qui va conditionner les symptômes. Donc le BAV du deuxième degré sera symptomatique en cas de bradycardie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le BAV de haut degré. Ça n'est pas un troisième degré, c'est encore un deuxième, mais de haut degré. Un deuxième degré où les blocages de l'entrée sont un petit peu trop répétés dans la minute. C'est clair? Ou alors, quand le myocarde est en mauvais état aussi, quand il y a une cardiopathie sous-jacente qui a besoin quand même d'une fréquence relativement rapide et qui a en plus ce BAV, donc le malade va commencer à développer des symptômes. Et les signes fonctionnels, ce sera quoi? Ce seront des signes d'hypoperfusion d'organes quand il est bradycarde, le débit cardiaque, chuté puisque la fréquence cardiaque fait partie de la formule du débit. Alors si la fréquence cardiaque est lente, et que le myocarde, l'état cardiaque est mauvais en plus, donc le volume d'éjection systolique est bas. Donc vous aurez un débit cardiaque qui est bas, et on aura des symptômes d'hypopression cérébrale et musculaire, donc il y aura de l'asthénie et des lipotimies, des vertiges. C'est clair? Donc le deuxième degré sera symptomatique s'il est très lent, avec un mauvais état cardiaque, et on aura de l'asthénie, des lipotimies et de la dyspnée à cause de la cardiopathie. C'est bon? Le troisième degré, donc tout ça pour vous dire que la tolérance du BAV dépend de la fréquence cardiaque, donc la fréquence ventriculaire, donc du nombre de QRS par minute en premier, et de l'état cardiaque en plus. S'il y a en plus une cardiopathie organique musculaire sous-jacente, là ça va plus. Le troisième degré par contre, il est rarement asymptomatique. En général, le troisième degré, ce sont des symptômes qui amènent le malade à consulter. Le patient va faire des malaises, quoi que ce soit, et va venir, on aura notre diagnostic. Donc les signes fonctionnels, en premier lieu, en général, c'est des hypotimies, voire même des syncopes, des pertes de connaissance. Donc l'hypotimie ou plus, selon le pouls, selon la fréquence cardiaque, s'il est très très très lent, il va faire un état de mal syncopal. À l'examen physique d'un BAV du troisième degré, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va trouver? La première des choses, quand un malade vient consulter, on vous l'amène, la famille, les pompiers, etc., on vous dit qu'il y a une perte de connaissance, première des choses, surtout s'il n'est pas encore réveillé, c'est de vérifier tout de suite le pouls, donc la fréquence cardiaque, s'il existe ou non déjà. Donc vous allez vous demander est-ce que je réanime ou non. Donc vous allez palper le pouls et vous aurez un pouls lent permanent. Ça veut dire que c'est un foyer d'échappement qui commande la déformation ventriculaire et donc on aura un pouls qui est lent et de façon permanente, si le BAV est permanent. C'est ce qu'on appelait au début du siècle le syndrome du pouls lent permanent. La pression artérielle systolique va être élevée. Alors, systolique seulement, la diastolique n'est absolument pas concernée. Qu'est-ce qui se passe en systole? Et pourquoi la PAS va être élevée? Si vous raisonnez en termes de bradycardie, de révolution cardiaque, qu'est-ce qui se passe quand le malade est bradycardique, dans le BAV du troisième degré? La diastole va être allongée. La diastole va être allongée, donc le remplissage se fait à son optimum, va être prolongé, donc on aura un volume diastolique très important, et donc un étirement des fibres, et une contraction beaucoup plus énergique, et un volume d'éjection systolique beaucoup plus important, et donc vous aurez un hyper débit en systole qui fait que la pression artérielle systolique est élevée. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas traiter une HPA dans ce cas, il faut traiter la bradycardie. C'est ce qui arrive parfois, ce sont des sujets âgés qui sont traités pour hypertension, mais on n'a pas fait attention à la fréquence cardiaque. Donc la PAS élevée, c'est ça l'explication. Le souffle systolique éjectionnel, c'est la même explication. C'est un souffle d'hyper débit seulement. Les valves ne sont pas malades. Il n'y a ni IM, ni RAO. C'est clair? Donc c'est un souffle de débit. Les valves sont supposées être saines. On passe sur l'accentuation interne du BA et les systoles en écho. Les systoles en écho, ce sont des bruits qu'on entend qui correspondent aux systoles auriculaires. Tac, tac, tac, et qui sont plus fréquentes que le tout, tout simplement. Et la dissociation jugulo-radiale, ça va être l'expression clinique de ce que vous voyez sur le CG. C'est l'expression clinique de la dissociation auriculo-ventriculaire électrique. Les jugulaires, c'est quoi? C'est pas l'entrée. La jugulaire, c'est quoi comme structure? C'est une veine. Veine jugulaire qui accouche. dedans, qui s'accouche dedans. Parce qu'elle se jette. Les oreilles. Elle revient vers le cœur ou elle sort? Oreillette droite. Elle revient vers le cœur. Elle revient vers le cœur, donc elle se jette. Récap supérieur. Récap supérieur. Oreillette droite. L'oreillette droite est sous quelle commande? À quelle fréquence? C'est les oreilles. Quand l'oreillette droite se contracte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des vagues anti-reflux dans le système cap supérieur? Il n'y a pas de vagues anti-reflux. Donc, quand l'oreillette droite se contracte, il y a un reflux qui se fait vers la veine cave supérieure et les veines jugulaires. Donc, vous voyez une petite dilatation. La veine jugulaire comme ça, je suis sur ce bras gauche. Donc, vous aurez un taux jugulaire que vous voyez, que vous ne palpez pas. Les veines sont très molles, vous devez passer un bout jugulaire. Donc, sur le malade, position couchée demi-assise, vous verrez ce petit bout jugulaire, mais qui sera à fréquence plus rapide. Le cou radial. Donc, si vous palpez le cou radial vient d'où? De la hanche. Il vient du ventricule gauche. Les ventricules sont sous la commande du foyer d'échappement. Donc, votre dissociation auriculo-ventriculaire électrique s'exprime uniquement par la dissociation jugulo-radiale. C'est la même chose. À des fréquences auriculaires rapides, à la fréquence ventriculaire lente. C'est bon? Donc, en principe, là, vous avez votre diagnostic, mais il vous faut la preuve. Dissociation jugulo-radiale, fréquence jugulaire qui est liée à la fréquence auriculaire qui dépasse, qui est supérieure au bout radial qui est sur la commande de fréquence ventriculaire au foyer d'échappement. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose? Non. Vous savez, c'est logique. Les complications. Alors, les complications, on dira complications, mais des systoles en écho. J'insiste pas trop sur ces choses parce qu'elles sont pas bien. J'insiste en écho, ce sont des bruits qu'on entend en discutant. On a un malade qui a un BAP du troisième degré. C'est des poum poum poum poum, donc ça c'est des petits bruits, mais ce sont les contractions auriculaires qu'on entend. Et ces systoles en écho, ces petits bruits sont rapides, qui sont la fréquence du nœud sinusal. Les complications maintenant, on parle de complications ou de symptômes si vous voulez, c'est pareil. Quand le BAP devient symptomatique, c'est que c'est compliqué. Donc ça s'indique. C'est un peu comme les signes d'intoxication digitalique qui sont déjà des signes et des complications. Les complications, déjà, elles peuvent révéler le BAP. Le malade peut d'emblée venir vous voir pour un gros problème, pour une perte de connaissance. Alors, on a deux ou trois types de complications ou de symptômes dans le BAP. On a les syncopes et leur équivalent, la hypotimie. On a l'insuffisance cardiaque et on a l'insuffisance circulatoire cérébrale chronique. Ce sont ça les trois types de complications qu'on retrouve dans le BAP du troisième degré. Alors, la syncope, qu'est-ce que c'est? La syncope est liée à une anoxie cérébrale aiguë. Donc ce terme d'aiguë suppose que la perfusion cérébrale était normale et que de façon brutale, elle plonge, elle diminue. Donc il va y avoir des symptômes. Le cerveau n'a pas le temps de s'adapter à cette baisse de débit et il y aura extinction des feux. Donc cette syncope-là, cette anoxie cérébrale aiguë, survient chaque fois qu'il y a un arrêt circulatoire qui dure 15 à 20 secondes. Au-delà, on verra ce qui se passe. Alors, cliniquement, comment se présente la syncope qui est due à un BAP? La perte de connaissance en cardio est très particulière. Elle a une description très claire, très spécifique, et en dehors de ces aspects-là, on ne parle pas de syncope, on parle de perte de connaissance. Si vous retrouvez ces critères-là, vous dites syncope. Ça résume. Le terme de syncope résume tout ça. Si vous ne retrouvez pas ça, vous ne dites pas syncope, parce que syncope sous-entend l'origine cardiaque. Si vous ne retrouvez pas ces critères-là, vous dites perte de connaissance et vous cherchez la cause après. Alors la syncope qui est due au BAP, donc qui est l'origine cardiaque, comment elle survient? D'abord, le début et la fin du malaise sont brusques. Donc on a vu que c'était une anoxie cérébrale aiguë, donc le début de la perte de connaissance est très brutal. Il n'y a pas de prodrome, ça veut dire sans prodrome, pas de signe annonciateur. Ce qui veut dire que ce malade-là, n'a pas le temps de se mettre en position de situation de sécurité. Et ce qui explique donc la fréquence des chutes et des traumatismes. C'est clair, donc un malade qu'on vous ramène pour perte de connaissance Si vous trouvez une plaie ou une blessure sérieuse, ça veut dire que ce malade n'a même pas vu le malaise venir, qu'il est tombé de sa propre hauteur ou d'une hauteur, etc. Il y en a même qui décèdent des suites de cette chute-là. Et ça veut dire qu'il n'y a eu aucun prodrome qui a annoncé le malaise. Donc on commence déjà à se dire que c'est peut-être d'origine cardiaque. Parce que les autres pertes de connaissance, comme l'épilepsie, comme l'hypoglycémie, etc., ont des signes annonciateurs. Et les patients ont le temps de s'asseoir ou de descendre d'une chaise, etc., de façon à ne pas se faire mal. Donc début et fin brusque, le début brusque, ça veut dire sans prodrome, ce qui explique la fréquence des chutes et des traumatismes graves. La fin est brusque. Le réveil est total et spontané. Le malade se réveille spontanément. Parfois, vous n'avez pas le temps d'agir, que déjà il se réveille. Et brutalement, et il revient tout de suite dans la réalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce petit coma, il reste un petit peu hors de la réalité quelques minutes. Non. Dès qu'il se réveille, il se demande ce qui lui est arrivé. Donc, début et fin brusque avec réveil spontané total. Et il n'y a pas de signe post-critique. Le réveil est total. Ça, ce sont les critères de la syncope vraie. Pour un arrêt circulatoire qui ne va durer que 15 à 20 secondes, c'est-à-dire qu'après 15 à 20 secondes, le débit circulatoire se rétablit et le cerveau n'a pas eu le temps de souffrir. Ce qui fait que c'est pour ça que le réveil est total et spontané. Total, sans signe post-critique, sans coma, sans rien, sans amnésie. C'est bon ? Ça vous permet de faire la différence avec une épilepsie. L'épilepsie, il y a des prodromes, le malade chute, oui, il peut se blesser, en général il convulse, et quand il se réveille, il reste un petit peu avec une amnésie, un petit coma post-critique qui va durer quelques minutes ou quoi avant qu'il revienne totalement dans la réalité. Vous avez saisi la différence. Maintenant, vous direz, si l'arrêt circulatoire dure plus de 20 secondes, là, le début sera toujours brusque, mais la fin de la syncope sera différente. Si le malade ne voit pas son débit sanguin cérébral se rétablir à 20 secondes, à moins de 20 secondes, il y aura une petite souffrance cérébrale, on aura des convulsions. Et s'il se réveille tout de suite après ça, il y aura un petit coma post-critique. Il va rester un petit peu dans les bras. Mais vous aurez toujours cette notion de début brutal. Ce qui vous permet encore de trancher entre épilepsie et le reste. Au-delà de 3 minutes d'arrêt, c'est la mort cérébrale. Donc si la pause cardiaque, si la baisse de circulation cérébrale ne se rétablit pas, en moins de 3 minutes, on aura une mort cérébrale et donc ça ne servira à rien en fait de réanimer le malade. Et c'est là où le patient risque la mort subite aussi. Ça s'appelle ce qu'on appelle une asystolie. Vous avez saisi ? Vous avez compris ? Donc même si la fin de la syncope change, le début est toujours brutal. Il correspond toujours à un début de syncope d'origine, de perte de connaissance d'origine cardiaque. Selon la durée, le réveil sera plus ou moins efficace. Alors, maintenant, si l'arrêt circulatoire dure moins de 15 secondes, jusqu'à 2 secondes, le malade n'a pas le temps de perdre connaissance. Il aura juste une lipotimie. Et la lipotimie aussi. Il faut réanimer. On va voir à la fin le traitement, la prise en charge de la syncope. C'est une réanimation cardio-respiratoire et stimulation. Maintenant, si on a vu que la syncope, c'était 15 à 20 secondes d'arrêt circulatoire cérébral. Si ça dure moins de 15 secondes, il n'y a pas de perte de connaissance, il y a une lipotimie. Et le terme aussi de lipotimie est spécifique au malaise d'origine cardiaque. La lipotimie, qu'est-ce qui se passe? On aura un vertige qui est bref et un voile noir, une sensation de voile noir. Cette sensation de voile noir est très importante. Qu'est-ce que c'est? La rétine, qu'est-ce que c'est? Le voile noir, ça veut dire qu'il ne voit plus rien. C'est une boule d'un noir blanc, le type. Comme un rideau qui descend. Et en fait, ça veut dire que la fonction visuelle a été un petit peu entravée. La rétine, qu'est-ce que c'est ? Sensibilité à la lumière. C'est un tissu neurologique, c'est une expansion du cerveau. Et donc, la rétine va souffrir de cette baisse de débit cérébral au même titre que le cerveau. Donc, elle ne sera plus sensible à la lumière. Alors que l'épilepsie ne donne pas de voile noir, l'hypoglycémie ne donne pas de voile noir, ce sont les bas débits cérébraux qui donnent ce voile noir. C'est quand le cerveau est mal perfusé, donc c'est les hypotensions et donc les baisses de débit sanguin cérébral, quelle que soit la cause. C'est clair ? Donc cette description au terme de l'hypotimie, c'est ça, c'est voile noir avec un bref vertige. Ça veut dire que la baisse de débit cérébral aiguë n'a pas duré. N'est pas allée jusqu'à 15 secondes, elle a duré quelques secondes, et le malade est sorti de son malaise. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est moins grave qu'une syncope. Ça veut dire qu'il y a eu une petite pause cardiaque et que la suivante risque d'être plus grave. Donc la lipotimie a la même valeur pronostique que la syncope. C'est-à-dire, quand on vous le ramène aux urgences, au cabinet de votre malade, vous ne dites pas lipotimie, ça va, c'est pas trop grave, alors ça va, on verra demain. Vous le gardez et vous explorez. Parce que la fois suivante, ça risque d'être l'arrêt définitif. On a dit, la mort subite, c'est le risque permanent tant que le BAB existe, quel que soit le degré de ce BAB. C'est clair? D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a pu se passer sur le CG, sur la production cardiaque, au moment de ces malaises, syncope ou lipotimie? Vous avez trois explications. Si vous avez la chance d'avoir un malade qui était sous monitoring au moment du malaise, vous l'avez hospitalisé pour explorer, et pas au moment où vous enregistrez, il fait son malaise. Et vous avez la chance d'enregistrer l'anomalie électrique qui s'est passée. Soit c'est une bradycardie extrême, ça veut dire que c'est un foyer d'échappement très bas situé, très loin, en rythme idioventriculaire, le réseau de Purkinje, donc il est très très lent et il ne suffit pas à maintenir une perfusion cérébrale suffisante pour que le malade reste conscient et éveillé. Alors soit vous enregistrez une bradycardie extrême, si vous regardez ici, vous avez un QRS qui est très large déjà, ça veut dire qu'il est très bas situé ce foyer. Regardez toutes les ondes P de la décoration auriculaire qui se succèdent avant qu'il y ait une autre décoration ventriculaire spontanée. Vous voyez la fréquence ici, elle est à moins de 20. Donc on ne peut pas vivre avec une fréquence à moins de 20. Donc le malade ici risque de faire un état de mal syncopal. Deuxième explication, voilà, l'intervalle R est très long alors que l'intervalle P est court. Deuxième explication, c'est la systolie, c'est carrément l'absence de déformation ventriculaire. Les voies de conduction sont tellement malades que les foyers d'échappement n'arrivent même plus à se réveiller. C'est-à-dire qu'il peut se réveiller le foyer d'échappement, mais il y a des blocages partout autour de lui dont il ne transmet pas, ça ne diffuse pas dans les ventricules. C'est ce qu'on appelle la systolie. Donc si vous regardez cette ECG, on a une bradycardie extrême et puis d'un seul coup, une pause ventriculaire ici. C'est la systolie totale. Là, on ne voit même pas d'onde P. Hein. Les voies de conduction sont malades de haut en bas. Ça, c'est la deuxième explication au syncope. La troisième, c'est que chez les malades qui sont très bradycardes, il peut y avoir plein de foyers d'échappement qui se réveillent et ils vont engendrer un trouble rythmique qui est pratiquement l'équivalent d'une fibrillation ventriculaire. Donc, ce n'est pas efficace. Ça fibrille, au lieu de se contracter comme ça, ça ne fait que trembler. Il y a trop de milliers de dépolarisations. La différence avec la FV, c'est la fibrillation ventriculaire, c'est ce qu'on appelle ici la dorsale de pointe, et elle est spécifique au bradycardie, pratiquement. Pourquoi on appelle dorsale de pointe? Parce que vous avez même l'impression d'avoir des pointes comme un fil de fer qui tourne autour d'une ligne de base. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça dorsale de pointe, et ça se répète, et ça se répète. Elle disparaît spontanément, mais le temps se répétait tant que le malade n'a pas été pris en charge. Et donc, chaque fois qu'elle existe, c'est l'équivalent d'un arrêt cardiaque, le malade syncope. Elle disparaît, il se réveille, elle réapparaît, il syncope. Et c'est là où ils font des états de mal. Syncope, syncope l'une après l'autre, jusqu'à l'arrêt définitif, etc. Donc, ce sont les trois aspects ECG qu'on peut enregistrer au cours d'une syncope. Au cours d'une syncope. Hein. Une fois que la syncope est passée, que le malade se réveille, vous ne verrez plus ça. La fibrillation ventriculaire n'a pas cet aspect de polypointe qui tourne. Mais c'est comme un fil de fer qu'on déforme en cytosolite et qu'on fait tourner comme ça, sur une ligne de base. On appelle ça dorsale de pointe. C'est des pointes qui se tordent autour d'une ligne de base. La FP, elle n'est pas comme ça. C'est vraiment des petits tracés comme ça. On n'arrive même pas à mesurer en amplitude. C'est bon? Donc la dorsale de pointe existe sur les bradycardies extrêmes, quelle que soit la cause de la bradycardie. Donc les BAV, et autrefois, les hypercaliémies, l'hypocalémie donne des FV, l'hypercaliémie donne des dorsales de pointe, des bradycardies, et les hypomagnésémies sévères. Les plus fréquentes, c'est les BAV et les hypercaliémies. Donc c'est l'équivalent d'un arrêt circulatoire, ça demande une réanimation. Alors, on sait que le BAV peut évoluer de façon intermittente ou paroxystique. Donc, entre deux malaises, c'est-à-dire sur un tracé intercritique, le CG peut être tout à fait normal. Donc, si vous avez retrouvé les critères de la syncope, on vous dit Il était bien et il est tombé. Et il s'est réveillé spontanément. Il était un petit peu convulsé, il s'est réveillé. Si votre CG au moment de maladie est normal, vous ne l'envoyez pas chez lui. Vous le gardez parce qu'il risque de recommencer dans le quart d'heure qui suit le décédé. C'est clair. Donc un tracé intercritique normal s'explique par le caractère paroxystique d'un BAV, tout simplement. C'est clair. BAV n'est pas permanent chez ce malade. Donc c'est l'interrogatoire qui va vous orienter. Donc vous retrouvez, vous allez recueillir la description de la perte de connaissance par l'entourage et on va vous dire, vous allez retrouver le caractère brutal, vous allez retrouver une plaie, un hématome, parfois un hématome sutural qui devra drainer, etc., fracture. Vous pouvez avoir n'importe quoi. Donc l'anamnèse est très évocatrice et puis finalement, vous allez proposer le malade pour un enregistrement prolongé de CG de façon à saisir le BAV au moment du malaise et confirmer votre diagnostic. C'est là l'intérêt du holter cardiaque. Quand on n'arrive pas à relier la clinique avec le CG actuel. Donc on prolonge le CG de façon à enregistrer le malaise. C'est bon? Pas de questions? Deuxième complication, symptôme du AV, l'insuffisance cardiaque, et on l'a vu, quand est-ce qu'elle s'installe, l'insuffisance cardiaque? Quand il y a bradycardie importante, donc quel que soit le degré, donc deuxième ou troisième degré, et avec en plus une cardiopathie sous-jacente lourde, et la conjoncture des deux va faire que le débit cardiaque n'est pas bon, il est très bas, et le malade aura des symptômes d'insuffisance cardiaque. Donc ce sont les cas sévères, bradycardie importante et cardiopathie sous-jacente sévère. Et troisième symptomatologie, complication, l'insuffisance circulatoire cérébrale, mais chronique ici, pas aiguë comme dans la syncope. Ça veut dire qu'il y a un bas débit cérébral permanent et chronique qui n'est pas suffisant pour maintenir une perfusion cérébrale normale, mais qui n'est pas aussi suffisamment bas pour donner des syncopes. Donc c'est une hypoperfusion cérébrale chronique due à une bradycardie, et généralement elle s'installe chez qui ? Chez les malades qui ont déjà un réseau cérébral artériel athéromateux. Donc c'est les personnes âgées qui vont faire ce type de complication, qui ont déjà de l'athérome, un mauvais état vasculaire cérébral artériel, des carotides un peu encrassées par l'athérome, une circulation cérébrale avec des artères très grêles, donc un cerveau hypoperfusé déjà. En plus, s'il installe une bradycardie, il ne va pas syncoper, mais il va commencer à installer une sénilité, un Alzheimer, etc. Donc le terrain pour développer les signes d'insuffisance cérébrale chronique, ce sont les personnes âgées et athéromateuses. Donc ce ne sera pas les sujets jeunes. Chez les sujets jeunes, vous ne trouverez pas de signes de sénilité. Vous trouverez de la sténie ou des syncopes, mais pas ça. Qu'est-ce qui va se passer? Des troubles psychiques, de la confusion, un syndrome d'Alzheimer, etc. Donc, quand vous avez un Alzheimer dedans, vous pensez à vérifier quand même le pouls au cas où ce serait le cas. Une bradycardie, pourquoi l'intérêt? Parce que c'est réversible. Quand c'est dû à un BAV, il suffit d'accélérer la fréquence cardiaque ventriculaire, le débit cérébral se rétablit et les propriétés cognitives du patient reprennent normalement. Donc, d'un malade gravataire, vous récupérez un malade qui est normal, qui peut se prendre en charge et qui n'est plus une charge pour la société, pour son entourage. Donc c'est ça l'important, c'est ça l'intérêt, c'est pour ça qu'on vous met dans le cours. C'est le caractère généralement réversible de l'insuffisance circulatoire cérébrale chronique sur BAV. Elle est réversible. Vous accélérez et vous récupérez un malade tout à fait normal. Donc c'est des personnes âgées. C'est bon pour les symptômes ? On va passer aux étiologies. Les étiologies. Les étiologies, on a vu leur intérêt, c'est que certaines donnent des BAV qui vont guérir, donc on ne s'inquiète pas trop, mais on agit quand même pendant que le BAV existe, et des étiologies qui vont donner des BAV définitifs, donc on anticipe sur l'avenir, et on va commander notre matériel pour appareiller le malade et le soigner définitivement. Alors, les causes de BAV aiguë, c'est-à-dire censées être réversibles, pas chroniques, BAV aiguë. Mais attention, il peut y avoir un chevauchement entre les étiologies. C'est-à-dire qu'une étiologie de ce groupe-là peut aboutir à un BAV définitif. Donc, méfiez-vous quand même, vous continuez à surveiller le malade de façon à ne pas libérer dans la nature un malade qui va revenir pour sa propre ou qui ne reviendra pas, mais qui fera une mort subite à la maison. Donc, les causes de BAV aiguë, ce sont celles-là. Alors, on va commencer par les plus simples à expliquer, les causes infectieuses. Les causes infectieuses, vous avez. Par exemple ici, le rhumatisme articulaire aigu. Ça donne un BAV qui n'est que du premier degré et on sait qu'il va disparaître. Non, donc là, vraiment, on ne s'inquiète pas. pas. On s'inquiète des lésions endothéliales et valvulaires, mais pas du péritonite aggravé. L'endocardite. L'endocardite qui se complique d'abcès. Vous avez fait les endocardites? Non, doctorat, c'est un projet. Alors, les endocardites qui se compliquent d'abcès. Pourquoi particulièrement abcès? Parce que l'abcès est destructeur, il détruit les tissus abcès. Les suppurations se nourrissent des tissus environnants. Ça donne une gangrène des tissus avec des tensions, etc. Et donc ça détruit tout. Les voies de conduction passent où? Au niveau du septum interventriculaire. Donc ça bifurque très haut, juste au-dessous des oreillettes, et donc ça chemine dans le septum interventriculaire. En matière d'endocardite, quelles sont celles qui peuvent se compliquer d'abcès du septum, puisqu'on parle de destruction des voies de conduction ici due à un abcès? Ce sont les endocardites aortiques. C'est l'aorte, les valves sigmoïdes aortiques, ce sont elles qui sont contiguës au septum, pas la valve mitrale. La valve mitrale est loin. Donc les endocardites aortiques, on les surveille pour voir s'il n'y a pas un abcès qui se développe à partir des valves vers le septum interventriculaire et qui pourrait entraîner par destruction des valves de production un BAP, une perforation du septum. Donc ce sont des cas à opérer en urgence avant qu'il y ait trop de dégâts. C'est une des indications opératoires à chaud en urgence des endocardites. Et vous ferez ça plus détaillément. Donc tout ce qui touche aussi, tout ce qui peut donner une maladie du myocarde, puisque le septum interventriculaire, c'est du myocarde, c'est du muscle. C'est une cloison musculaire entre les deux ventricules. Et les voies de conduction passent là, donc l'inflammation du myocarde concerne aussi le septum et donc peut entraîner une inflammation septale, des compressions ou maladies des voies de conduction. Donc toutes les myocardites, diphtérie, virose, tout ce qui peut toucher le myocarde, quelle que soit la cause, peut donner un BAV, en général aigu qui va régresser, mais attention aux fibroses définitives qui détruisent les voies de conduction. Les causes médicamenteuses, donc tout ce qui va interférer avec la fonction électrophysiologique peut donner des ralentissements dans la conduction, des allongements, des pertes réfractaires, etc., des pauses, des arrêts carrément, des hyperpolarisations en fait qui vont bloquer la conduction réglo-ventriculaire. Donc vous avez tous les antiarythmiques AA, ils sont tous radicardisants les antiarythmiques, en cas de surdosage ou en cas d'atteinte déjà des voies de conduction, quand on prescrit en plus un antiarythmique pour une raison ou une autre, on peut révéler un BAV. Les bêta-bloquants sont radicardisants si le malade est surdosé ou si vous avez donné un bêta-bloquant élimination rénale alors que le malade est en urgence rénale, il va faire un surdosage, un BAV, une bradycardie, hypotension, etc. Les digitaliques, on l'a vu, hein, ils allongent les pertes réfractaires des voies de conduction. Tous les états d'hypercalémie dans le potassium célèbre, va créer une hyperpolarisation des cellules, donc elles seront plus dépolarisables, la conduction se bloque et on peut avoir un BAV, torsade de pointe et arrêt cardiaque. C'est censé être des causes réversibles, hein, donc, là, normalement. Mais on arrête tous les traitements et on voit les choses évoluer. Si le malade récupère, c'est bon. S'il ne récupère pas, on décide d'implanter un pacemaker. Donc vous voyez, parfois, ce ne sont pas des BAV aigus, ce sont des BAV qui restent chroniques. Des fois post-opératoires, donc post-op, donc ça sous-entend qu'on a touché aux alentours des voies de conduction, que leur voie de passage et qu'on a détruit, peut-être de façon involontaire. Donc ce sont toutes les chirurgies qui concernent cette voie de passage, donc le septum interventriculaire, donc c'est les remplacements valvulaires, et quels remplacements valvulaires par exemple? Ceux qui sont contigus au septum, c'est l'aorte et puis la tricuspide aussi. Donc les chirurgies d'abattage aortique et d'abattage tricuspide, attention à ne pas embrocher en suturant les voies de conduction. Les chirurgies de cardiopathie congénitale qui concernent aussi cette région. Donc ce sont les chirurgies de communication interventriculaire et interventriculaire. Donc chaque fois que vous travaillez dans cette région, le malade est à surveiller en post-opératoire au cas où. D'ailleurs, ils ont tous des stimulations temporaires des patients en attendant de voir la guérison. Alors ça peut être donc un BAV juste dû à un œdème qui va régresser, un œdème post-opératoire, post-traumatique, et donc ça sera aigu. Comme ça peut être dû à une destruction par les sutures, etc., et ça sera dans ce cas-là un BAV définitif. Donc ici aussi, attention, c'est pas toujours un BAV aigu. L'infarctus du myocarde, IDM. Alors, on a vu la vascularisation des voies de conduction tout à l'heure. On a vu que la coronaire gauche, qui vascularise la paroi antérieure du ventricule gauche, vasculariser aussi les voies de conduction. Donc l'occlusion de la coronaire gauche peut entraîner une nécrose des voies de conduction. La nécrose, comment elle s'installe? De façon brutale ou de façon lente? Elle est brutale, la nécrose. En quelques heures, elle est là. La nécrose, si vous bloquez une artère, au bout de quelques secondes, vous commencez à avoir mal. Au bout de 6 heures, il n'y a plus un équilibre. C'est clair? La nécrose s'installe brutalement. C'est une occlusion brutale d'un vaisseau. La collatéralité n'a pas le temps de se développer. La nécrose s'installe brutalement et elle est définitive. Est-ce que vous avez vu une nécrose régressée? Elle est remplacée par de la fibrose cicatricielle. Alors, on a vu que les voies de conduction étaient vascularisées de haut en bas par cette coronaire gauche. Donc, quand elle est au plus très haut, la coronaire gauche, la nécrose des voies de conduction va s'attendre sur toute la longueur. Donc, le foyer d'échappement va être très bas situé. Très bas. Donc, vous aurez une nécrose d'installation brutale, donc ça sera mal toléré, avec un foyer d'échappement très bas situé et avec une nécrose qui est définitive. Donc, ce BAV, quand il apparaît, il est de mauvais pronostic parce qu'il a un foyer d'échappement bas et en plus il s'installe sur un infarctus du myocarde en plus, donc le muscle est malade aussi et il est définitif. Donc c'est un BAV de mauvais pronostic. Il faut faire quelque chose, c'est clair? Maintenant, l'autre vaisseau, un infarctus postérieur qui est dû à une occlusion de la coronaire droite. Alors, la coronaire droite vascularise un petit peu le nœud d'Achotavara et pas du tout les voies de conduction en bas. La coronaire droite vascularise aussi la partie basse du septum interventriculaire qui est la voie de passage des voies de conduction. Donc, la nécrose, quand elle s'installe ici, elle va concerner quoi? La paroi postérieure du ventricule et le septum. Alors cette nécrose s'accompagne d'un œdème réactionnel. Il y a une inflammation qui entoure la nécrose. Cet œdème va comprimer les voies de conduction, mais elles ne seront pas nécrosées. Elles continuent à être vascularisées par l'autre artère qui n'est pas concernée ici. Cet œdème va comprimer les voies de conduction et l'œdème s'installe tout doucement. L'œdème ne s'installe pas brutalement. Ça ne gonfle pas en deux secondes. Ça met quelques jours ou plusieurs heures. Donc ce BAV va s'installer progressivement. Ensuite, avec la détersion et l'évolution de la nécrose du septum, l'inflammation va régresser, donc l'œdème péridésionnel va disparaître et les voies de conduction vont être progressivement libérées. Donc ce BAV va régresser sans laisser de séquelles. Donc d'abord il s'installe progressivement, donc il est relativement bien toléré, on a le temps d'agir. Il est dû à un œdème qui est régressif et il va guérir sans séquelles. Donc c'est un BAV de bon pronostic. On sait qu'il va régresser, même s'il s'est installé, on attend 2-3 jours au maximum et il va disparaître. Vous voyez la différence de pronostic et de tolérance entre un BAV dû à un infarctus antérieur et un BAV dû à un infarctus postérieur. Ils sont carrément opposés. Dans le premier cas, on va probablement envisager un pacemaker. Dans le deuxième cas, non. On va juste mettre un traitement transitoire et le malade ne sera pris en charge que pour son infarctus myocardique. C'est clair? Le mécanisme et l'évolution des deux types de BAV, vous avez saisi? D'accord. On passe au BAV chronique. Les BAV chroniques, ça veut dire que les BAV chroniques, ce sont des BAV définitifs qui vont exister pour toute la vie, alors que les BAV 2 existent pour quelques temps. Le BAV chronique est définitif, donc il va persister durant la vie du patient, et il peut évoluer de façon paroxystique, mais il peut être permanent. C'est clair la différence de nos yeux. Alors, les BAV chroniques étant pour la vie, on a deux origines. Soit ils sont congénitaux, le patient est né avec ce BAV, soit ils sont acquis au cours de la vie. Et dans les deux cas, ils vont persister. Il n'y a pas de guérison possible. Les BAV congénitaux. Les BAV congénitaux, deux mécanismes. Soit ils sont liés à une malformation cardiaque congénitale, et on a vu quel type de malformation peut gêner les voies de conduction et les déformer, ce sont celles qui concernent les septas, auriculaires et ventriculaires, donc les CIV, les CA, les transpositions des chromosomes, vous allez faire le cours, vous allez comprendre. Donc toutes les malformations cardiaques congénitales qui concernent cette voie de passage voie de conduction peuvent donner un BAV congénital. Soit ils sont congénitaux mais sans cardiopathie congénitale, ils sont isolés. Ça veut dire que ce n'est qu'une maladie des voies de conduction isolée, le reste du cœur est parfaitement sain et dans ce cas, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une maladie auto-immune chez la mère. ce sont les mamans qui font des lupus, en général des lupus érythémateux disséminés. Les anticorps de la mère vont détruire les voies de conduction de l'enfant. En général, c'est ça. Donc, un bébé congénital sur un cœur sain. Ils sont de siège haut situé, nodal, donc le foyer d'échappement sera haut situé, à cœur S20, à fréquence acceptable. Et donc, généralement, ils sont bien tolérés. Il est rare qu'on voit appareiller un bébé congénital. Il y en a qu'on laisse vivre comme ça, qui sont très bien, et d'autres qu'on décide d'appareiller parce qu'ils sont un petit peu trop. Le bébé avait acquis maintenant, chronique, mais acquis au cours de la vie, ça veut dire que le malade était bien, puis au cours de la vie, il y a un BAV qui survient pour les autres pour la même chose. Soit une cardiopathie, soit une pas de cardiopathie, c'est comme pour les congénitaux. Quand il n'y a pas de cardiopathie associée, c'est ce qu'on appelle un BAV idiopathique. Donc c'est purement une dégénérescence des voies de conduction qui commence à s'installer dans la vie à partir de la 6e décennie, à partir de 50-60 ans. C'est ce qu'on appelle la maladie de Lenègre. C'est une fibrose progressive qui s'installe sur les voies de conduction et qui va commencer par des petits blocs de branches intermittentes, parfois droit, parfois gauche, ensuite BAV paroxystique, ensuite BAV paroxystique. Donc à ce stade-là, du BAV paroxystique, vous commencez à avoir les symptômes, jusqu'au BAV paroxystique. Il peut être acquis au cours de la vie, mais il y a une cardiopathie, comme ici. Soit c'est le post-opératoire qu'on a vu tout à l'heure et finalement qui a détruit votre conduction. Soit c'est l'iatrogène, soit une cardiopathie de type poids, vous en connaissez au moins une. Valvulopathie compliquée de BAV chez un adulte. Allez, vous n'êtes pas, vous êtes pas en train de réviser beaucoup au fur et à mesure. Vous avez vu le verre, le redressement aortique calcifié. Et on vous a dit que les calcifications de la valve de l'aorte, les sigmoïdes se augmentent, elles se développent au cours de la vie, jusqu'à devenir exubérante, débordée sur le septum et cisaillée des voies de conduction. Donc le RAC, le rétablissement aortique calcifié, peut se compliquer de VAV. C'est un VAV définitif, c'est une destruction, un cisaillement par les blocs calcaires des voies de conduction. Et toutes les maladies du myocarde, les cardiopathies hypertrophiques, les maladies de surcharge, amylose, hémochromatose, tout ce qui touche le myocarde, touche le septum, donc peut entraîner les voies de conduction avec. C'est bon pour les étiologies? C'est bien classé dans votre tête. Maintenant, alors vous avez trois volets dans le traitement. Vous avez le traitement étiologique, vous devez traiter la pathologie qui est à l'origine de ce BAV. Vous avez le traitement qui peut s'envisager dans l'urgence, et c'est le malade qui vous fait des syncopes par répétition, c'est-à-dire un état de mal syncopal. Et vous avez le traitement définitif à long terme chez le malade qui est fait un BAV permanent, qui n'a pas guéri son BAV. Donc trois volets. Le traitement étiologique, ça serait quoi? Ça serait traiter un rhumatisme articulaire, par exemple. Et là, il n'y a pas de traitement spécifique au BAV, c'est la corticothérapie, c'est de la poussée rhumatisme. Si le malade a fait un surdosage en antiarythmique, vous arrêtez les antiarythmiques. C'est ça le traitement étiologique. Plus ou moins de stimulation au BAV. Si c'est un malade qui fait une endocardite aortique et que vous découvrez un abcès à l'échographie, vous l'envoyez tout de suite en chirurgie pour la détection de cet abcès, le remplacement valvulaire, etc. Sinon, il risque de décéder d'un BAV, d'une CIV, etc. Donc, c'est ça le traitement étiologique, c'est un infarctus, c'est chaque fois que vous avez une étiologie, cela. Le traitement d'urgence, c'est quand il y a une syncope. Donc là, vous fichez d'étiologie, on n'est pas encore là, vous réanimez le malade d'abord, ensuite vous réfichez à l'étiologie. Quand le malade syncope devant vous et qu'il n'y a pas eu de réveil spontané au bout de 15 secondes, il continue à être inconscient et commence à convulser. Vous palpez le cou, il n'y a rien, il est très pâle, la pâleur accompagne cette pause parce qu'il n'y a pas de perfusion de la capote. Donc vous commencez à réanimer. Alors la réanimation, c'est la réanimation d'un malade X, massage cardiaque, etc. Donc vous démarrez, vous relancez la pompe cardiaque. Avant de masser, vous essayez de donner des coups de poing. Ces coups de poing ne sont pas efficaces pour tous les types d'arrêt circulatoire. Le coup de poing sternal, ce qu'on appelle le coup de poing sternal, c'est ce choc qu'on délivre sur le sternal. Et quel est le rôle de ce coup de poing sternal? Parfois, il stimule. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à relancer la fonction pompe, à entraîner un raccourcissement des fibres, une contraction. Donc, en laboratoire, quand vous avez fait la physiologie humaine, qu'est-ce qui provoquait le raccourcissement du muscle de la grenouille?

finalement, si vous avez la chance d'être dans un service qui est équipé de services de cardio, de réanimation, etc., et que vous disposez de matériel de stimulation électrique temporaire, vous montez une sonde rapidement en 2-3 minutes et vous allez apporter quoi ? Un foyer d'échappement exogène, extracardiaque, artificiel, que vous allez commander à la fréquence voulue. Et on va voir tout de suite les détails de la stimulation temporaire. C'est bon ? Donc le foyer d'échappement spontané du malade est défaillant, j'essaie d'apporter un plus, soit par voie médicale, l'hémisuprès va agir un temps et il y aura un échappement à l'hémisuprès, donc le mieux est de monter un système de stimulation temporaire, un entraînement, ce qu'on appelle entraînement électro-systolique temporaire dès que possible. C'est la méthode la plus efficace. On avance. Alors, quels sont les principes de l'entraînement électro-systolique temporaire? C'est quoi son principe? On a un foyer d'échappement qui est défaillant, une construction électrique, électro-systolique défaillante, donc on va chercher à la remplacer, à la suppléer. Donc on laisse cette construction défaillante et on apporte un foyer d'origine extracardiaque, si vous voulez. Donc on va suppléer cette activité défaillante. Le mécanisme, c'est un stimulus électrique qui va entraîner une dépolarisation et donc une contraction. Dès qu'il y a dépolarisation, normalement, il y a contraction. Quelles sont les indications? Quand est-ce qu'on envisage un entraînement électrosystolique temporaire? Dans quel cas vous envisagez de monter une sonde? Allez. Trois situations. Alors, soit c'est un BAV aigu. Je sais que le BAV va guérir, je sais qu'il va disparaître, mais en ce moment il existe et le malade le tolère mal. Donc on ne va pas attendre la guérison du BAV, le malade sera décédé peut-être d'ici là. Donc on va monter une sonde temporaire en attendant la disparition du BAV. C'est bon? Je ne commence pas de pacemaker, c'est pas la peine, parce que je sais que l'avenir du malade va vers la guérison, j'en suis sûre. Ça dépend de nos études. Donc je monte cette sonde, le temps de passer ce gap de BAV aigu et transitoire qui va guérir. Une fois le BAV aigu, et je surveille encore 24 heures, quand tout est rentré dans l'ordre, j'enlève ma sonde et c'est bon, on n'en parle plus. Le BAV a disparu, il est derrière. Donc c'est la première indication, un BAV aigu transitoire, mais mal toléré actuellement. Il faut passer ce cas, ne pas laisser le malade décéder d'une syncope qu'on a. Deuxième situation où j'envisage ma sonde électrovisuelle et mon entraînement temporaire, c'est qu'il n'y a pas encore de BAV, mais je sais qu'il va survenir. Ça veut dire que je suis en train de traiter un malade qui a une pathologie qui va se compliquer d'un BAV, j'en suis sûre. Quelles sont ces situations? Le R1, on a vu qu'il donne qu'un BAV du premier degré, en général, leur stimule. Mais par contre, d'autres pathologies, je sais qu'il risque de faire un BAV grave. L'infarctus du myocarde. Un infarctus du myocarde, quel que soit le territoire, qui commence à allonger son PR, qui commence à faire un bloc de branche intermittent. Donc je préfère stimuler parce que je sens que les voies de conduction sont touchées, que ce soit nécrose ou œdème. Ça dépend de votre étiologie, ça sera la suite. Mais l'actuel, vous savez que le malade va faire un BAV, donc vous n'attendez pas la syncope et le travail dans l'urgence, et c'est ça, et on n'a pas aseptisé. Donc je l'annonce tranquillement maintenant, de façon à ce que quand le BAV survient, mon appareillage sera sur place, je l'allume. Il est déjà allumé, il est sentinelle. C'est clair? Donc quand on sait qu'un BAV va survenir, quelle que soit son évolutivité plus tard, hein. Par exemple, IDM avec un bloc de branche, ou alors une intoxication digitalique, par exemple, et qui commence à être bradycarde, ou qui commence à allonger le PR, ou qui commence à allarger son QRS. Donc, on n'atteint pas le BAV. On sait qu'il va venir, donc on travaille tranquillement en dehors de l'urgence. Troisième situation, le BAV est chronique, et j'attends le pacemaker, mais le malade est en train de faire des malaises. Donc, en attendant de recevoir et d'implanter le pacemaker, il faut garder le malade en vie. On met notre système temporaire. Une fois le pacemaker, on le place et on enlève le système temporaire, on laisse ce qu'il est. Vous avez saisi une situation où vous pensez à mettre ce système-là en place, sauver le malade en attendant de voir l'avenir. Les techniques, alors c'est quoi la technique de l'entraînement électro-systolique temporaire? Donc qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous vous cherchez à apporter un foyer d'échappement qui sera sous votre commande à vous, pas sous la commande du foyer d'échappement physiologique. Donc, il faut arriver à dépolariser le cœur. Donc, il faut atteindre le cœur. Et la façon la plus facile et la moins risquée d'atteindre le cœur, c'est d'aller vers la cavité droite. Droite en général, c'est à basse pression, etc. Il n'y a pas de rejet, etc. D'accord ? Donc, on va monter une sonde par système cave supérieur ou inférieur, donc fémorale ou jugulaire. Cette sonde, c'est une sonde électrode, en fait, c'est une électrode très longue avec un bout métallique qui devra être au contact de l'endocarde. Une fois mise au contact de l'endocarde et l'entrée droite, vous allumez et vous commencez à envoyer vos impulsions électriques à la fréquence que vous voulez et à l'intensité que vous voulez. Dès que c'est efficace, vous fixez des paramètres et vous laissez l'appareil, donc il est relié à un stimulateur extracorporel ici. Donc la sonde sort de l'organisme sous pansement et le bout de l'électrode, la deux fiches qui se branchent sur ce stimulateur avec des boutons de commande comme vous. C'est clair? Et donc vous laissez le malade sous cette stimulation temporaire jusqu'à ce que les choses évoluent dans un sens ou dans l'autre. Guérison, pacemaker. C'est clair? Donc, vous travaillez dans le système veineux. Donc, vous traversez. Traversez quoi? Le système veineux. Vous piquez une belle périphérie, puisque vous voulez atteindre l'amphibie. Vous piquez une belle périphérie. On atteint le système cave, supérieur inférieur, l'oreille à droite. Vous traversez quoi? Non. Le nom. Je ne sais pas. Le nom. Traverser la partie du spleen. Alors, si vous entraînez avec vous des germes que vous déposez gentiment sur la partie du spleen et des germes qui sont hospitaliers, VAV traité et malade des sentiments de cardite à germes multirésistants. Donc, méfiez-vous si vous n'êtes pas dans l'asepsie parfaite. C'est l'asepsie d'un bloc de chirurgie. Vous traitez une chose et vous en déposez une autre 100 fois plus grave. S'il vous plaît, soyez propre dans le travail. Il faut que ce soit une culture qui s'installe effectivement chez nous. La propre. Voilà, fonction de l'insigne. Donc, fonction de l'insigne périphérique, en général fémorale, avec asepsie, par un système de désigné, une sonde électrode sera poussée jusqu'au ventricule droit à gauche, reliée à un stimulateur. Extracorporel, c'est temporaire ce qu'on met, donc on n'a pas besoin de mettre un état du corps à part la sonde. Le traitement de fond maintenant, c'est le troisième volet du traitement, et on finit pratiquement, on passera à la suivante. Le traitement de fond, donc, c'est l'implantation du pacemaker, donc ce sera un stimulateur cardiaque, pas temporaire, mais définitif. Donc il n'est pas question de laisser le son sortir, une boîte cutanée dehors, etc. On ne peut pas vivre comme ça. Donc on a mis au point, enfin ils ont mis au point. Des petits stimulateurs qui ne font même pas la taille d'une petite boîte à lunettes, qui seront enfouis sous la panse cutanée et refermés. Et ce système-là va stimuler le cœur durant les années de vie de la source d'énergie et renouveler régulièrement dans la source d'énergie cérébrale. Donc, le stimulateur cardiaque est intracorporel. On travaille ici à voie sous-clavière, jamais fémorale. Donc, c'est toujours le système cardiaque supérieur. Ventre supérieur, oreille droite, ventricule droit, revient un stimulateur VVI. VVI, ça veut dire sentinelle. Et sentinelle, ça veut dire quoi? Gardien. Il est là pour surveiller la fréquence cardiaque du malade. Et ce stimulateur est programmé, on lui dit. Si la fréquence, et vous choisissez ce que vous lui dites. Si la fréquence du malade, la fréquence spontanée du malade, que ce stimulateur va écouter et détecter, si cette fréquence descend en moins de 30, on dira moins de 60, tu te réveilles et tu la stimulateur. Si le patient a un PAV paroxystique et qu'il retrouve une fréquence cardiaque normale par moment, le stimulateur il ne sert à rien de le laisser fonctionner. Il va épuiser son énergie comme ça. Il se tait. Il reste en veilleuse. Donc ce stimulateur a une fonction d'écoute et une fonction de stimulation. D'accord? Donc il s'adapte en fait aux besoins du malade. Sinon, s'il stimule tout le temps comme les premiers des stimulateurs de première génération, cette source d'énergie s'épuise pour rien et on sera appelé à le renouveler tous les 2-3 ans pour rien. Donc ça, c'est très utile pour les malades paroxystiques. Tous les stimulateurs sont sentinelles naturellement, quelle que soit les collectivités. Donc sentinelle, ça veut dire qu'il ne stimule qu'à la demande. Donc il écoute la fréquence du malade, il la détecte, et si elle descend à moins de ce qu'il programme chez lui, il se met entre eux. La surveillance pénale, on aura fini. La surveillance, qu'est-ce qu'on surveille? Alors, qu'est-ce que vous avez surveillé? Vous savez ce que vous avez traité comme pathologie, vous savez ce que vous avez fait comme geste, avec tous les risques, et vous savez ce que vous avez implanté comme matériel. Donc ce sont ça vos éléments de surveillance. Première chose, j'ai traité un BAV qui avait des symptômes, probablement. Première des choses, disparition des symptômes. Le malade ne doit plus avoir de malaise, d'hypotimie, d'asthénie, de sénilité, etc. Donc tous les symptômes qu'on a vus doivent avoir disparu. L'étiologie, c'est bon, on a les résultats. On parle du BAV. Deuxième chose, j'ai placé une sorte de stimulation temporaire par voie veineuse sous clavière. Donc j'ai ponctionné dans cette région avec un contre cœur. Qu'est-ce qu'il y a à proximité de la veine sous clavière? Vous avez l'artère sous clavière, vous avez le dôme pleural. Donc, quand vous surveillez votre malade, vous avez vu au service. Le lendemain, on demande systématiquement un téléthorax. Pourquoi? On cherche à voir si on n'a pas provoqué un pneumothorax ou un hémothorax. Un ébranchement sanguin, carrément le but d'un pneumothorax en fonctionnant et en blessant le dôme pleural. Ok? S'il n'y a pas d'hématome qui est en train d'évoluer, si j'ai touché l'artère sous clavière, j'ai blessé, il y aura un énorme hématome. Vous voyez, c'est ça les complications. Ensuite, j'ai une poche, on a mis le stimulateur, est-ce qu'il n'y a pas d'infection, est-ce qu'il n'y a pas d'abcès, etc. Donc les complications dues au geste que vous avez fait. Et vous savez ce que vous avez fait, donc vous savez quoi surveiller. C'est clair. Troisième chose, j'ai mis un matériel étranger censé stimuler un cœur. Donc ce matériel étranger, est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il n'est pas obligé d'un rejet? Le rejet pour l'inflammation et l'extérisation. Le fonctionnement du PCR et l'efficacité. Parce que si ce n'est pas efficace, si je ne vérifie pas, je n'ai rien fait. Le BAV va revenir. Donc sur le CG, qu'est-ce que je vais voir sur le CG d'un malade qui a un pacemaker ou une stimulation temporaire? C'est pareil. Le CG enregistre quoi? Un électrocardiogramme, qu'est-ce qu'il enregistre? Qui ont lieu dans cette sphère-là vont être enregistrés par le CG. Donc il va enregistrer la dévolation des oreillettes, il va enregistrer la dévolation des ventricules si elle existe, et aussi la fonction du pacemaker, l'activité du pacemaker, il doit l'enregistrer parce que le pacemaker donne une action électrique, a une action électrique. Alors comment on va enregistrer cette fonction du pacemaker? Qu'est-ce qu'on va voir en fait, selon vous, sur le CG d'un malade stimulé? Les spikes, qu'est-ce que c'est que les spikes? C'est l'activité électrique du pacemaker. On appelle ça spike, c'est des pics parce qu'ils sont verticaux, on va voir tout de suite le schéma. Ensuite, qu'est-ce qu'on enregistre? Pour être efficace, ce pacemaker. C'était payé du digeste. Est-ce que cœur souffre? Non. Qui dit faim, qui dit large? Et pourquoi? Large. Les cœurs ne sont pas fins. Parce que la sonde d'argent n'est que droit. Quand on a apporté un foyer d'échappement exogène qui part du ventricule droit, donc il va se déployer, il s'introduit ensuite au ventricule gauche. Le cœur sera large et a-t-il de retard droit ou gauche? Bloc du branche. C'est le ventricule gauche qui est en retard. Donc vous allez enregistrer l'activité auriculaire qui continue depuis le début de la maladie. Les oreillettes ne savent rien, elles continuent à fonctionner comme si de rien n'était. Donc les ventricules continuent à être là et continuent à être dissociés. Puisque vous n'avez pas rétabli la conduction auriculo-ventriculaire, donc votre dissociation persiste. Deuxième enregistrement, vous allez enregistrer l'activité du pacemaker, qui est le spike, une ligne verticale. Et pour être efficace, ce pacemaker, en déchargeant, doit entraîner une dépolarisation. Donc le spike devra être suivi d'un QRS large natif de retard gauche. Et chaque spike devra être suivi de QRS pour être efficace. Si vous avez un spike qui n'est pas entraîné, ça veut dire que la dernière problème. Ou la pile s'est épuisée, ou la sonde s'est déplacée, ou s'est cassée, bien le souci. D'accord? Donc c'est ça votre surveillance. C'est aussi l'efficacité du matériel que vous avez apporté. Donc un rythme électro-entraîné, QRS natif de retard gauche. Troisième surveillance, c'est l'usure de la pile. La pile, n'y a pas de source d'énergie définitive sur Terre. Dans l'énergie solaire, encore. Donc cette fille va être appelée son héritage qui vont s'user dans le temps. Ça demande en moyenne, à partir de 5 ans, on commence à surveiller. Ça laisse quand même un laps de temps. Et ne s'arrête pas brutalement. La fille s'épuise très progressivement, donc on a le temps de commander à notre pays et de l'importer au champ. Alors voici un petit peu. La sonde est là, vous y rentrez plus le droit. Je passe sur ça. Voilà le CG schématisé d'un rituel d'entraînement. Vous avez le spike et le QRS électro-entraîné, face condamnée. Un autre spike, et là, qu'est-ce que vous avez? C'est un QRS, s'il vous plaît. Vous avez ici un QRS spontané. Donc ici, le pacemaker a détecté ce QRS spontané, et donc c'est mis en veille. Il a arrêté sa stimulation. Donc là, il n'y a pas eu de spike. Il y a un délai d'écoute. Le pacemaker est programmé pour écouter pendant un certain délai. Au bout de ce délai, s'il n'y a pas d'autre QRS spontané détecté, il va reprendre sa fonction. C'est ça la fonction de l'écoute. Il reprendra donc sa fonction de stimulation. Vous voyez qu'au bout d'un certain délai, il n'y avait rien. La stimulation a repris. C'est bon ? Ça, c'est le pacemaker des années 50. هيا انزل استفيق برا هيا برا نوم معك